الحمد لله رب العالمين نحمده تعالى وبه نستعين ونصلي ونسلم على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. نحمدك اللهم على كل حال ونعوذ بك اللهم من حال أهل الضلال. ونصلي ونسلم على سيدنا محمد الرحمة المهداة والنعمة المسداة وعلى آله وصحابته ومن والاه إلى يوم الدين. آمين. نعود أيها الإخوة البررة الكرام إلى الوصايا العشر من سورة الأنعام، وذلك أننا في اليومين السابقين كنا قد تطرقنا لخمسة من هذه الوصايا، الخمسة الأولى، وهي عدم الإشراك بالله عز وجل، ألا تعبدوا، ألا تشركوا بالله شيئا، عدم الإشراك. ثم عدم العقوق، وهو بر الوالدين. ثم عدم قتل الأطفال واحترامهم في حياتهم، وذلك قوله تعالى ولا تقتلوا أولادكم من إملاق. ثم ترك الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وذلك قوله تعالى ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. والقرب هنا أكثر من التحريم، عدم القرب هو أبلغ من التحريم. يقول لا تقربوا، قالش لا تفعلوا، لا تقربوا فواحش ما ظهر من الوضع. ثم قال لنا ربنا تبارك وتعالى في الوصية الخامسة ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تقيلون. هذه لا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق فيها كلام طويل جدا لا داعي للتعرض له الآن، رغم أن الظروف مواتيه. وأنا أعطيتكم أمس بعض اللمحات عن المخلفات الوخيمة لقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من قتل معاهدا لم يريح رائحة الجنة، وإن مسيرة الجنة منه ومن بينه وبين الجنة 40، إما 40 سنة، إما 40 يوما، وإما 40 شهرا، وإما 40 سنة. وهذه السنة نفترض أنها تكون 40 سنة، واش السنة الأرضية أو لا السنة ديال أورانوس، ولا السنة ديال نبتون، ولا السنة ديال بلوتون اللي فيها ما عرفش شحال ديال السنوات الأرضية، أو لا السنة الضوئية، 40 سنة ضوئية. عرفش شنو هي السنة الضوئية؟ هي المسافة التي يقطعها الضوء في سنة، علما بأن الضوء يقطع في كل ثانية 300,000 كيلومتر. وفي السنة شحال شحال يقطع الضوء؟ تعرف الضوء باش يجي من الشمس للأرض خصو 8 ديال الدقائق، باش يوصل من الشمس للأرض، لكي يصل من الشمس إلى الأرض يحتاج إلى 8 دقائق. La lumière pour qu'elle arrive du soleil à la terre, il lui faut 8 minutes pour arriver. Parce que la distance entre le soleil et la terre, c'est 150 millions de kilomètres. 150 millions de kilomètres. Et il faut 8 minutes pour traverser 150 millions de kilomètres. Ça, c'est la lumière. Alors, en 8 minutes, elle traverse 150 millions de kilomètres. En une année, combien elle va traverser la lumière? Combien il y a de 8 minutes dans l'année? Alors, vous voyez, si le paradis doit être aussi loin de celui qui tue quelqu'un qui a un pacte avec lui, « Man qatala mu'ahadan lam yarih ra'ihat al-jannah. » وإنه بينه وبين الجنة 40 سنة. إيه ولا؟ اتفقنا؟ إذن مسألة قتل النفس لابد أن نعيد فيها النار وأن نفكر مليا. إن الرسول صلى الله عليه وسلم الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في حديث آخر: ما زال المؤمن في فسحة من دينه. راك زعما بالمعنى انك راك باقي بخير. ما زال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يريح ما لم يصب دما حراما. لو كرويان sera en bon terme avec Allah subhanahu wa ta'ala et sera peinard tant qu'il n'a pas encore touché au meurtre. Ma lam tusib daman haram. Il y a énormément de hadith, énormément de textes qui nous prouvent que le meurtre n'a rien à voir avec l'islam. Pour qu'on soit sûr, pour qu'on soit certain et convaincu, persuadé que c'est un acte qui n'a rien à voir avec l'islam. Je ne suis pas en train de justifier quoi que ce soit. Je suis en train de clarifier une situation. D'accord. Et après, Allah subhanahu wa ta'ala dit: Dalikum wassakum bihi la'allakum ta'qilun. Ainsi, il vous a recommandé, peut-être que vous allez réfléchir. Peut-être que vous allez vous montrer rationnel et logique avec vous-même. Donc, les 5 commandements, nous les avons connus. Maintenant, il en reste 5 autres. On va les citer rapidement. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. Les biens de l'orphelin sont sacrés. مال اليتيم وكل ما لدي اليتيم لدى اليتيم هذا شيء مقدس. أنتم تعلمون أن اليتيم لا أحد يدافع عنه. لأن مات أبوه وماتت أمه، إما مات معا وإما مات أحدهما، فاليتيم لا يدافع عنه إلا الله سبحانه وتعالى. وفي الحديث القدسي: اشتد غضبي على من ظلم من لم يجد له ناصرا غيري. اشتد غضبي. Ma colère est très très grande contre celui qui fait du tort à quelqu'un qui n'a d'autre défenseur ou protecteur qu'Allah. Tu vois quelqu'un qui est sans défense et tu éprouves des plaisirs à lui faire du tort. Eh bien, sache que à ce moment-là, tu écopes de la colère divine. Et Allah subhanahu wa ta'ala, quand il entre en colère contre toi, eh bien, prépare-toi à ne plus en sortir. Prépare-toi à tomber dans les fins fondus de la géhenne et à ne plus en sortir. Zulm zulumat yawm al-qiyamah. Donc, les biens de l'orphelin sont sacrés. On n'y touche pas. Illa billati hiya ahsan. Bien sûr, le tuteur. Ça, c'est par rapport au tuteur. Celui qui se charge de la gestion des biens de l'orphelin tant qu'il est encore petit, tant qu'il est encore mineur. Mais une fois qu'il devient majeur, une fois qu'il commence à bien percevoir la notion de bien, à ce moment-là, tu dois lui remettre ses biens et lui dire tu gères toi-même. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. الحب هو الظلم، هو الجور. Une fois qu'il atteint un âge où il commence à savoir gérer ses propres biens lui-même, il faut lui remettre ses biens. Ça, c'est l'yatim, l'orphelin. Mais l'orphelin, parce que c'est le maillon faible, c'est parce qu'il est encore jeune, il est sans défense. Et c'est pour cela que Allah subhanahu wa ta'ala l'a cité en personne. Mais tu peux faire par analogie le même raisonnement pour toute personne qui soit sans défense. Une jeune veuve qui a 3 ou 4 enfants et dont le mari lui a laissé, tu viens, tu lui prends ses biens. C'est la même chose. L'essentiel, c'est de ne pas se rendre coupable d'injustice. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها. Là, c'est la question de la pesée. Là, c'est la question de l'amana. Quelque chose de capital. On en a déjà parlé en long, en large, par ailleurs. Je ne vais pas y revenir. Sauf peut-être pour dire. Mas'alat l'amana, la wa'awfu l'kayla wa l'mizan. C'est-à-dire que quand tu es marchand, quand tu es commerçant, et que tu dois utiliser la balance, il vaut mieux que la balance soit à tes détriments qu'aux dépens de ton client. Et quand on parle de balance, on parle de grammes. On ne parle pas de kilogrammes. On ne parle pas de tonnes. On parle de grammes. Parce que les Arabes, dans le temps, ils utilisaient la balance dans leur commerce de l'or et de l'argent. Et ils utilisaient le troc. Le troc, c'est-à-dire l'échange. Pour acheter des dattes, tu lui donnes un kilo il te donne un kilo de dattes et tu lui donnes un kilo de blé ou un kilo de... Il faisait le troc. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala dit « وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ » Le kayl, c'est le troc. « وَالْمِيزَانَ » c'est la balance. Et c'est pour ça aussi qu'il a subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala a révélé ce verset et ce chapitre qu'on appelle Surat al-Mutaffifin. Waylul lil mutaffifin, c'est-à-dire ceux qui trichent. Et ce mot triche, la tricherie, c'est quelque chose de très important sur lequel il faut s'arrêter. Parce que quand il dit awful kayla wal mizana bil qist, ça englobe tous les types et tous les genres de triches qui peuvent vous passer par la tête. Il ne faut pas se limiter à la balance uniquement. Le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit « Man ghashana laysa minna » ou « Man ghasha laysa minna » Et quand est-ce qu'il a dit ça? Un jour, il passait dans le souk et il a vu un panier de dattes chez un commerçant. Et il a mis sa main dedans. Et il a ressorti la main, elle était mouillée. En haut, il n'y avait rien. Les dattes étaient sèches. Elle était en apparence très bonne. Et il a mis sa main à l'intérieur, elle est ressortie mouillée. فقال ما هذا يا ما هذا يا هذا يا صاحب التمر ما هذا qu'est-ce que c'est que ça pourquoi c'est mouillé à l'intérieur يا رسول الله أصابته السماء c'est la pluie qui a fait ça il y a eu une averse et ça s'est mouillé et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit ben tu pourrais mettre les dattes mouillées en haut pour que les gens sachent qu'est-ce qu'ils doivent acheter et qu'est-ce qu'ils vont acheter. Hella ja'altahu fil wajiha man ghasha laysa minna ard balk celui qui triche ne peut pas faire partie des musulmans. Alors quand on parle de tricherie, c'est dans le commerce, c'est dans l'administration. C'est dans ta profession, là, n'importe laquelle, quand tu es avocat, quand tu es menuisier, quand tu es médecin, quand tu es plombier. Ah, c'est la triche. Ça s'applique partout. Quand tu es imam, il ne faut pas tricher, il faut toujours faire la prière alors que tu es là au dos. Il ne faut pas tricher dans la prière. C'est la triche. Et quand tu passes un examen, il ne faut pas tricher. Je garde toujours à l'esprit une anecdote que je vous ai peut-être déjà racontée une fois. Mais bon, c'est pas grave, on va répéter. Quand j'étais à la faculté, on voulait passer un examen un jour. Et c'était le système des questions-réponses, des crocs. C'est questions à réponse multiple. QCM. Et un camarade, alors qu'on rentrait à l'amphi, à l'amphithéâtre, il m'a dit, tu te mets à côté de moi. C'était notre imam qui guidait la prière à la cité universitaire, à la mosquée de la cité universitaire. On était en sixième année de médecine. Il m'a dit, tu te mets à côté de moi. Je dis, pourquoi? Et il m'a dit, comme ça, on s'entraide. L'imam. J'ai dit, mais ça va pas. C'est de la triche, je ne peux pas. Il dit, mais non, ça, ce sont des coffards, c'est pas grave, on peut faire ce qu'on veut avec eux. Qu'est-ce qu'on fait, coffard? Mais la triche, c'est avec tout le monde. Elle est interdite avec tout le monde. Avec les musulmans et les non-musulmans. Tu ne peux pas tricher avec un musulman, tu ne peux pas tricher avec un non-musulman. Pourquoi? Parce que tu es musulman. Et le musulman, par définition, il ne triche pas. Alors, ça s'applique aussi au régime des allocations familiales. Et ça s'applique au RSA. Et ça s'applique à beaucoup de choses. Ardovalkou, la triche. Waouful-kela ul-mizana bil-qist. Sauf quand c'est vraiment, vraiment, vraiment une situation où tu n'y peux rien. Par exemple, tu as fait tous tes efforts pour ne pas tricher dans la balance et il y a 1 ou 2 grammes qui t'ont échappé. Bon, c'est pas très grave. L'essentiel, c'est que toi, tu as une bonne intention, tu ne l'as pas fait exprès. Mais maintenant que tu sais que tu n'as pas le droit au RSA si jamais tu n'y as pas le droit, si jamais tu as falsifié des papiers pour avoir des allocations de l'État français, alors que tu n'y as pas droit et que tu sais que tu n'y as pas droit, eh ben, va te dénoncer. L'ardek. Parce que sinon, là, tu es parti, tu es dans de mauvais droits. Al-Gish, est-ce que vous voulez être musulman ou quoi? Ben, musulman, ça... Ça a des conséquences, hein. Les musulmans, c'est pas facile, hein. Faire attention. Il ne suffit pas de dire, ah, je suis de la ilaha illallah, je suis de Muhammad Rasulallah, je fais tout ce que je veux après, hein. Les musulmans, ça a des conséquences. Ça a une responsabilité. Mais de dire que je suis musulman et qu'ensuite tu donnes une fausse image de l'islam, que tu deviens la cause de la fuite des gens de l'islam. L'islam. Si c'est ça l'islam, moi je veux pas. Combien de gens disent ça? À cause du comportement de l'un ou de l'autre ou de l'autre. Wahshouma, chiham. Wahram alaykoum al-muslimin. La triche. Vous en avez suffisamment. Baraka, ya. Wa awful kayla wal mizana bil qist. La nukallifu nafsan illa wus'aha. Wa idha qultum fa'adilu. Walau kana dha qurba. Al-islam. Tu dois dire la vérité même si elle va à l'encontre de tes intérêts. Même si elle va à l'encontre de tes propres intérêts, tu dis la vérité. Parce que le musulman ne ment pas. Le musulman et le mensonge sont deux choses différentes. Hein? Opposés. Antipodes. Avec le pôle nord ou le pôle sud. Si tu es amené à témoigner, tu dois dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Je lève la main droite même sans lever la main droite. Tu n'as pas besoin. Tu n'as pas besoin de prêter serment. Je lève la main droite et je dis, je le jure. Asirinatullah, c'est Dieu qui te regarde. C'est Dieu qui t'observe. Tu n'as pas besoin, tu peux le faire, c'est pas grave, mais tu n'as pas besoin. Aslan, la tahtaj ila qasam li'annaka akhadta ala nafsik. Man l'oul. Wa id akhadha rabbuka min bani adam min dhuhurihim dhurriyyatihim wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna. أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. أنا بجي غدا يوم القيامة هو ما كنتش عارف. أش ما عارف. Tu sais tout. Et maintenant que vous êtes resté, que vous avez écouté tout ça, vous n'avez plus d'excuses. C'est pas moi qui vous ai demandé de rester. Hein. Vous êtes resté tout ça. J'ai obligé personne. Qu'est-ce? Tous ceux qui sont restés parce qu'ils veulent rester. Et donc parce qu'ils sont disposés à prendre la responsabilité. À être des musulmans en vérité. De vrais musulmans. Un musulman dit al-bassah, comme on dit chez nous, d'Arija du Maghreb. وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا وبعهد الله أوفوا et par rapport à vos engagements envers Dieu il faut les honorer. C'est le 9e commandement. وبعهد الله أوفوا. شنو عهد الله؟ عهد الله في العبادة وعهد الله في الأخلاق وعهد الله في السلوك وعهد الله في المعاملة. L'engagement que tu as par rapport à Dieu, c'est au niveau de du culte, salat, siyam, zakat et l'akhirah. C'est au niveau de ton comportement et de ta conduite vis-à-vis des autres. Et c'est aussi un engagement vis-à-vis de tes valeurs morales à toi. Donc, ça englobe les 8 commandements qui ont précédé. Adi wa bi'ahdillahi awfu, c'est un résumé de tout ce qui a précédé. C'est une synthèse. Parce que ahdullah fi alla tushriku bihi shay'a. عهد الله فيه وبالوالدين إحسانا عهد الله فيه ولا تقتلوا أولادكم من إملاق parce que c'est le respect de la vie de l'autre. وعهد الله سيؤسي ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وبطن. وعهد الله سيؤسي ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. وعهد الله سيؤسي ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن. وعهد الله سيؤسي وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها. وعهد الله سيؤسي وإذا قلتم فعدلوا ولو كان ذا قربى. عهد الله. J'ai un engagement envers Dieu, je le respecte. Sinon, je ne me dis pas musulman. Comment tu peux concevoir qu'un musulman puisse attraper quelqu'un qui dit « Ashhadu an la ilaha illallah » qui dit « Allahu Akbar » et qui lui coupe la tête. Le tueur dit « Allahu Akbar » et le tuer dit la ilaha illallah. C'est logique ça? C'est ça? Hasbuna Allah wa ni'mal wakeel. La hawla wa la quwwata illa billah. Et donc le verset se termine par dhalikum wassakum bihi la'allakum tadhakkarun. Ainsi il vous a recommandé, peut-être que vous allez y réfléchir encore plus. Et il a terminé par وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوا. Et ça, c'est la synthèse des synthèses. C'est-à-dire que là, vous avez une idée. Vous avez une idée de ce que vous demande Allah subhanahu wa ta'ala. 9 items. Vous voulez qu'on les répète là? Ça, vous les avez appris par cœur. Hein, on va les répéter encore. 9 items, les voici. La religion se résume à ça. Et il n'y a ni la prière, ni la zakat, ni le jeûne, ni le hajj dans les 9 items. Aucun des 4 n'a été cité. Parce que ce ne sont les quatre piliers de l'islam, avec l'attestation de foi qui est le 5e, qui est le 1er. Ces piliers sont des techniques pour pouvoir arriver à l'objectif qui est la tushriku bihi shay'a wa bil walidayni ihsana wa la taqtulu awladakum min imlaq wa la taqrabu al fawahisha ma dhahara minha wa batan wa la taqtulu an-nafs allati harrama Allah illa bil haqq wa la taqrabu mal al yatim wa awfu al kayla wal mizana bil qist wa bi ahdi Allah awfu wa ila akhir. D'accord. Wa idha qultum fa'dilu wa law kana dha qurb. C'est ça l'islam. La prière te permet, le lien direct avec Allah te permet uniquement d'arriver à cela. Si elle ne te permet pas d'arriver au respect de ses commandements, ça veut dire que tu ne fais pas ta prière. Tu fais que de la gymnastique. Quand tu jeûnes et que tu n'arrives pas à ses commandements, à les respecter, ça veut dire que ton jeûne n'est qu'une manière de te donner faim et de te donner soif. C'est une privation. La même chose avec le hajj. La même chose avec le zakat. Et donc ça, c'est le chemin, c'est la voie du salut. La voie du salut, c'est le respect de ces 9 items. Et c'est pour ça que Allah a fini en disant au prophète, dis-leur, « Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u, voici ma voie. » Large et droite. Quand tu rentres sur l'autoroute, tu sais que tu vas y arriver après. Tu vas arriver à ta destination. Et pas quand tu pars à travers la forêt et qu'il n'y a pas de route. Tu peux te gourer, tu peux te garer, tu peux perdre ton chemin. Mais quand tu es sur l'autoroute et qu'il y a des plaques partout, tu sais que tu vas arriver. Sauf qu'au lieu d'arriver à Paris, tu arrives au paradis. Tous les deux sont avec paix. D'accord. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. Ainsi vous a-t-il recommandé, peut-être que vous deviendrez des gens pieux. وأن يهدينا إلى سواء الصراط وأن يجعلنا من عباده الصالحين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون آمين. اللهم اهدنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ونستودعكم الله. السلام عليكم.